La solidarité des citadins pour une société démocratique de Corée du Sud a publié le 27 octobre un commentaire contre les autorités qui se pressent de conclure un accord militaire avec le Japon. Elle a indiqué « Le ministère de la Défense a annoncé le 27 octobre la reprise de la négociation pour la conclusion de l'accord sur la protection des informations militaires avec le Japon. C'est un problème sérieux menaçant gravement la paix dans la péninsule coréenne et au nord-est de l'Asie. » À présent où la société est en crise par l'affaire inouïe de la monopolisation des affaires d'État, il faut révéler qui a intervenu par quelle méthode dans la prise des mesures anormales et erronées de l'actuel pouvoir. Conclusion de l'accord sur la copropriété des informations entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, la clôture de la zone industrielle de Kaesong et la décision sur la disposition de SAD.